Mais aujourd'hui je voudrais que l'on m'oublie. Je sais le mal que ça te fait. Toi qui as besoin de m'effacer de ta vie. Et dans ce coin de Normandie, où tu iras comme toujours te réfugier. Et dans ta voiture la nuit, quand tu ne roules que pour rouler, je t'en supplie. Oh, je t'en supplie. Si tu entends ma voix à la radio, surtout n'écoute pas trop longtemps. Va-t'en ou tourne le bouton. Ne reste jamais seul avec cette chanson. Si tu entends ma voix à la radio, ne reviens pas vers ce qui passe avec le temps. Va-t'en ou tourne le bouton. Ne reste même quand tu en auras envie, je t'en supplie. Oh.